Abdarrazzak Yahya. L'intégrité islamique. Ni intégrisme, ni intégration. Deuxième édition, augmentée d'une postface. Chapitre 1. L'islam face au monde moderne. Une religion comme les autres? La question du rôle de l'islam dans le monde contemporain se pose avec une acuité croissante. Le monde contemporain, c'est-à-dire le monde de ce temps, non le monde moderne, car à l'égard de celui-ci la réponse est simple. Il y a entre lui et la tradition islamique une incompatibilité radicale. La notion de tradition est le critère décisif qui marque le fossé séparant ce monde de l'univers qui demeure fidèle aux alliances que Dieu a conclues avec les hommes depuis l'origine des temps. Ce qu'il est convenu d'appeler la civilisation moderne est fondé sur le rejet de tout principe transcendant et de toute alliance sacrée de nature à lui conférer une légitimité qui la rattacherait à l'ordre principiel. L'islam n'est donc pas seul concerné par l'envahissement du monde moderne, que l'on peut appeler aussi le monde occidental car c'est en Occident qu'il a pris naissance, et à partir de lui qu'il s'est répandu avec une vigueur et une insolence sans cesse croissante. Pourtant, c'est l'islam qui est devenu, au fil des ans, la cible privilégiée de ce nouvel impérialisme. Il y a là une situation singulière, imprévisible il y a quelques années encore, et qui appelle une réflexion. Les musulmans ont une conscience aiguë de l'excellence de leur religion, la révélation muhammadienne, et pour eux d'une réelle évidence qu'ils comprennent mal que celle-ci ne s'impose pas à tous. Leur conviction est conforme à la réalité et au rôle cyclique que Dieu a assigné à l'islam, néanmoins, elle apparaît comme une croyance naïve à ceux qui ignorent le droit sacré ainsi que la raison d'être des alliances et des formes traditionnelles, qui s'imaginent qu'elles se valent toutes et que chacune a des motifs légitimes de se croire supérieure aux autres. Le scepticisme et le relativisme engendrent l'idéologie anti-traditionnelle de la tolérance en matière de religion, application annexe des droits de l'homme. Fondée sur l'ignorance, elle est constamment contredite par la pratique actuelle. L'islam n'est pas traité comme les autres religions pour la raison simple qu'effectivement il n'est pas une religion comme les autres. Ce ne sont ni la naïveté ni la complaisance de l'âme qui dominent dans l'image que les occidentaux se font des musulmans, mais bien le fanatisme et l'intolérance. L'excellence de l'islam ne découle pas seulement du droit sacré, elle n'est pas davantage une affirmation théorique ou passionnée. Elle est avant tout la manifestation visible d'une élection spirituelle que le Coran formule en ces termes. Vous êtes, ô musulmans, la meilleure communauté qui ait jamais été existenciée en faveur des hommes, vous ordonnez ce qui convient, vous interdisez ce qui est répréhensible et vous croyez en Allah. Si les gens du livre, c'est-à-dire tous ceux qui suivent les révélations antérieures, avaient cru, en Allah, cela aurait été meilleur pour eux, car ils auraient participé à une excellence communautaire. Alors que dans l'état actuel, des croyants sont parmi eux, mais la plupart d'entre eux sont corrompus. Coran 3. 110. Il ne s'agit pas, dans ce verset, d'une excellence des croyants, puisqu'il subsiste encore des croyants dans les autres formes traditionnelles, mais de l'excellence d'une communauté spécifique de croyants, puisqu'il subsiste encore de croyants, excellence qui constitue pour eux un privilège auquel ceux qui appartiennent aux communautés antérieures n'ont pas accès. La faveur divine accordée à cette condition communautaire explique et justifie l'importance que revêt en islam la pratique en commun des rites, aussi bien dans le domaine exotérique pour les prières quotidiennes, la prière du vendredi et le pèlerinage, que dans les voies initiatiques où il s'agit plutôt de l'invocation des noms divins, de la récitation coranique et des formules du wird. L'accusation de fanatisme. L'excellence et la vitalité de la communauté islamique, sujet d'inquiétude et d'envie pour ceux qui pratiquent les autres religions, sont alarmantes pour l'Occident moderne qui ne comprend ni ne maîtrise un phénomène dont la signification lui échappe. L'accusation de fanatisme qu'il porte contre les musulmans vise un aspect plus spécial de cette excellence, qui est évoqué dans un autre verset. Il est des hommes qui prennent à côté, littéralement en dessous, d'Allah, ce qu'ils considèrent comme, des égaux. Ils les aiment comme s'il s'agissait d'Allah, alors que ceux qui croient, en lui et en son prophète, ont pour Allah un amour plus intense, Ashad. Coran 2. 165. Ce qui signifie selon Ibn Arabi. Les croyants ont une force de conviction, Sidq, plus intenses dans leur amour pour Allah que les associateurs dans leur amour pour ce qu'ils considèrent comme des associés. En doctrine akbarienne, l'association est impossible car Allah n'a pas d'égal. Il n'engendre pas et n'est pas engendré, il n'y a pour lui aucun égal, concevable. Coran, 112. 4. Dans la perspective indiquée par ce commentaire akbarien, les termes associateur et associé doivent être plutôt compris dans le sens d'une association formelle à la proclamation de la pure unité divine qui est celle d'Allah envisagée en tant que nom suprême. C'est pourquoi il a été ordonné aux prophètes de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent « Il n'est d'autre divinité qu'Allah ». La communauté islamique est perçue comme fanatique parce que l'amour des musulmans pour Allah, pour son prophète et pour leur religion est plus intense que l'amour envers Dieu ou l'être principiel tel qu'il se manifeste encore dans les communautés traditionnelles dont la fondation a précédé celle de l'islam. Du moins en est-il ainsi aujourd'hui, car une telle comparaison n'était pas possible naguère. Dans le monde contemporain, les religions et autres formes traditionnelles sont confrontées pour la première fois les unes aux autres. Cette situation sans précédent est à l'origine du scepticisme et du relativisme qui prévalent en Occident, mais c'est elle aussi qui, par un effet providentiel et compensatoire, montre à tous l'excellence de l'islam, demeurée cachée jusqu'alors. Selon Ibn Arabi, l'intensité dans l'amour de Dieu et la pratique de la religion découlent de la force inhérente à la sincérité de la foi et à la conviction inébranlable des croyants exprimée dans le tasawuf par le terme sidq. Le sidq est défini traditionnellement comme étant l'épée d'Allah Saif Allah, sur la terre. Cette notion est liée à celle de grande guerre sainte al-jihad al-akbar, la guerre intérieure que l'homme doit mener contre les ennemis qu'il porte en lui-même. Cette épée invisible symbolise la force de l'islam. Elle est pour le monde moderne, l'ennemi le plus redoutable, car aucune force matérielle, aucune contrainte psychique ne peut prévaloir contre elle. Les musulmans sont dans une situation de guerre par le simple fait qu'ils existent. Ils sont considérés comme des fanatiques parce qu'ils sont musulmans et que leur foi en Allah est plus forte que toutes les autres croyances, que celles-ci soient véridiques et traditionnelles ou bien mensongères et profanes. Ce qu'on leur reproche en réalité, c'est leur sincérité et leur fidélité à l'alliance divine contre laquelle le modernisme s'est érigé et insurgé. L'accusation d'intolérance. À l'accusation de fanatisme s'ajoute celle, peut-être plus grave encore, d'intolérance, qui s'explique également par des raisons traditionnelles. En effet, l'islam est investi d'une mission spéciale, liée à sa qualité d'être la religion auprès d'Allah. Coran 3. 19. Celle qui a pour support la meilleure communauté existentielle pour les hommes, celle dont les croyants ont la conviction la plus forte et l'amour de Dieu le plus intense. Cette mission l'oblige à porter un témoignage public en faveur de la vérité une et immuable ainsi que du droit sacré qui fonde les alliances que Dieu a conclues avec les hommes. Ce sont les versets. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de la vérité pour la rendre manifeste à l'égard de la religion tout entière, n'en déplaise aux associateurs. Coran 61. 9. Et surtout, dit, l'Orient et l'Occident appartiennent à Allah, il guide qui il veut vers une voie droite. De la même manière, nous avons fait de vous une communauté médiane, Wasatan, afin que vous soyez témoins, de la religion véritable, chargée de surveiller les hommes et que l'envoyé soit un témoin, de la vérité métaphysique, en veillant sur vous. Et tourne ton visage en direction de la mosquée sacrée, de la Mecque. Coran 2142-143. C'est parce qu'ils ont été investis par Dieu de cette charge que les musulmans sont considérés comme intolérants au sein du monde moderne. Dans le passage coranique cité, le terme « Wasatan » comporte plusieurs sens. Le plus extérieur et géographique, la communauté islamique est tournée vers la Mecque qui, selon les données traditionnelles, est le point d'origine et le centre de notre état d'existence. Par là, elle se situe en son lieu, entre l'est et l'ouest, le nord et le sud. Cette situation privilégiée la relie symboliquement au centre initiatique du monde, ce qui correspond à un sens plus intérieur. À ce point de vue, l'islam apparaît comme l'intermédiaire naturel, le trait d'union entre l'Orient et l'Occident, et entre les traditions venues du Nord et celles qui, plus tardivement, se sont fixées au Sud. La communauté islamique apparaît, quant à elle, comme le support et l'instrument de ce centre durant la phase finale du cycle humain, ce qui est une autre façon d'expliquer son excellence. La fonction polaire conférée à cette communauté est attestée par une tradition prophétique selon laquelle le terme Wast, milieu, a ici le sens de Adl, il désigne la justice qui est un attribut fondamental du roi du monde. La mission communautaire de porter témoignage est rendue possible parce que le Coran renferme la preuve décisive à Al-Ujja al-Baliga. Tous les livres révélés sont la parole d'Allah, mais la révélation coranique contient seule les trésors de la preuve Kaza'a al-Ujja, en vue d'un saint combat qui comporte une manifestation terrestre de la Sakna. C'est lui qui a fait descendre la Sakna dans les cœurs des croyants afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Allah possède les armées des cieux de la terre et Allah est savant, sage. Coran, 48. 4. Il ne s'agit plus seulement ici de la foi intense qui accompagne l'état contingent du sidque dont il a été question plus haut, mais bien du secours incomparable. Coran, 48. 3. Qui procède de la station initiatique correspondante, et celle-ci n'appartient qu'à Dieu seul. La Sakna est la force qui impose la paix d'Allah. La communauté islamique a la charge et la capacité d'imposer cette paix. Les croyants véritables sont ceux à qui le Très-Haut a octroyé une foi s'ajoutant à leur foi, qui est aussi lumière sur lumière. Coran, 24. 35. La mission que Dieu leur a confiée se rattache à la fonction de l'envoyé d'Allah. Vous êtes des témoins chargés de surveiller les hommes et l'envoyé est un témoin, qui veille, sur vous. La Sakna exprime ici un aspect de la réalisation descendante. L'investiture correspondante est conférée à la communauté islamique au moyen du rite de l'Ifada, accompli et renouvelé chaque année par les pèlerins après la station divine qui les a rassemblés à Arafat. À ce point de vue, cette communauté apparaît, non seulement comme intermédiaire, mais comme médiatrice entre Dieu et les hommes, car elle a vocation d'intercéder pour l'humanité tout entière, et c'est là un troisième sens du terme Wasatan. Droit de Dieu et droit de l'homme. Dans la perspective ésotérique évoquée par la notion de témoignage telle qu'elle a été envisagée plus haut, 10, le terme na, homme, retient, lui aussi, l'attention, car il montre que la fonction préservatrice de l'islam s'étend à l'humanité tout entière. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas simplement ici d'agrandir le Dar al-Islam, c'est-à-dire le pays de l'islam qui inclut les pays effectivement régis par la charia, au détriment du Dar al-Harb, le pays de la guerre, celui qu'il convient de combattre en vue de l'établissement de la religion. Ce témoignage n'est pas rendu au nom d'une religion particulière et à son seul bénéfice, mais bien en vue de préserver la tradition universelle dans sa pureté et son intégrité. Le commentaire de Kashani est explicite sur ce point. La raison d'être de ce témoignage et du témoignage porté par l'envoyé est de montrer, à la lumière de la doctrine de l'unité divine, Tawhid, les droits de toutes les religions. Telle est la mission divine assignée à l'islam et la raison profonde de son intolérance. C'est un combat mené contre le monde moderne, nos moyens d'armes de guerre, mais avec l'épée tranchante de la parole, qui est invincible par nature. Le terme na comporte aussi une signification restrictive, car il peut désigner l'état humain par opposition aux états supra-individuels ou angéliques, et surtout l'ordre principiel qui est celui de la réalisation métaphysique. Comme toute forme traditionnelle, l'islam exerce une action bénéfique dans le domaine individuel, mais ce n'est pas de ce dernier qu'il tire son excellence. L'humanité en tant que telle est incapable d'assurer la fonction de préservation et d'union traditionnelle dévolue à l'islam, du fait de la diversité formelle des dogmes et des croyances qui s'affrontent en son sein. L'impuissance de la franc-maçonnerie, organisation initiatique limitée au degré de l'homme, est à cet égard révélatrice. L'idéologie humaniste du monde moderne reflète cette incapacité sous une modalité hypocrite et profane prétendant intégrer la religion sous toutes ses formes dans la doctrine anti-traditionnelle des droits de l'homme. Le témoignage que le Très-Haut enjoint aux musulmans de porter parmi les hommes a pour but principal de veiller au respect du droit sacré, mais il va de soi que, dans les diverses alliances qui fondent les législations traditionnelles, les deux parties ne sont pas égales. Allah est la seule réalité véritable et rien n'existe en dehors de lui. Comment pourrait-il conclure un pacte? Tout le droit sacré est en Dieu et pour Dieu. Dieu détient par principe tout le droit, et n'a nul besoin des hommes pour le faire respecter. En revanche, l'homme n'a d'autres droits que ceux que Dieu lui accorde. Il n'y a pas, et il ne saurait y avoir de droits de l'homme en dehors du droit de Dieu. Les droits que Dieu accorde à l'homme sont une pure expression de sa miséricorde. Un bon exemple est donné à partir du verset « Allah vous a créé, ainsi que ce que vous faites » Coran 37, 96. Selon l'interprétation métaphysique, ce passage signifie qu'il n'est nul agent véritable en dehors d'Allah. C'est lui qui accomplit en réalité ce qui apparaît comme l'acte de son serviteur. Pourtant c'est aussi lui-même qui, dans de nombreux passages coraniques, attribue l'acte à sa créature et lui promet un salaire pour le récompenser du bien qu'il a accompli. Le Très-Haut s'engage à l'égard de son serviteur et lui confère un droit sur lui car sa promesse est droit. Coran 4, 122. Dans d'autres versets, Allah se prescrit à lui-même la miséricorde, ce qui est également une façon d'accorder un droit à ses créatures. Tels sont les droits de l'homme véritable, les seuls que reconnaissent la tradition et le droit islamique. La conception moderne des droits de l'homme est un déni du droit de Dieu et des pactes sacrés. Dans ces conditions, que peut bien signifier le droit reconnu à tout homme de pratiquer la religion de son choix, sinon que les hommes d'aujourd'hui ignorent ce qu'est véritablement une religion, et qu'ils ne peuvent envisager les formes traditionnelles autrement qu'en les réduisant au degré des préférences individuelles. De là vient l'illusion de ceux qui s'imaginent que la religion est une option d'adulte et qui veulent interdire toute forme d'enseignement traditionnel à l'enfant incapable de juger par lui-même, sous prétexte que ce serait abuser de sa faiblesse. Cette aberration découle de l'erreur fondamentale qui consiste à considérer la religion comme une affaire individuelle subordonnée à l'usage de la raison. Elle témoigne d'une méconnaissance totale de la nature divine des formes révélées. La science sacrée dépasse immensément les lignes étroites de la connaissance rationnelle et c'est en vérité abuser de la faiblesse de l'enfant que vouloir, dès son plus jeune âge, lui imposer ses limites. On retrouve, sur cette question particulière, l'hypocrisie habituelle du monde moderne. Pour autant, cette science n'est pas irrationnelle, car ce vocable désigne aussi ce qui relève du psychisme inférieur et son emploi comporte une confusion dangereuse entre le domaine psychique et la spiritualité. Cette science est intuitive, au sens initiatique du terme, et supra-individuelle. Le nouveau-né est demeuré plus proche de son seigneur que ne l'est l'adulte. L'enfance qui est de nature primordiale comme la pluie, comporte une bénédiction qui lui est propre. C'est ce qui justifie et explique le symbolisme de la sainte enfance et la parole du Christ. Si vous n'êtes pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Les droits de l'homme en général, le droit de pratiquer la religion de son choix en particulier, sont des machines de guerre utilisées contre l'ordre traditionnel. C'est pour les combattre que la communauté islamique doit porter témoignage et mener la grande guerre sainte, celle où l'homme sacrifie son âme pour dire la vérité, la justice et le droit. L'usage fait en France de la notion de laïcité illustre de manière typique l'agressivité et l'ignorance moderniste à l'égard de toute manifestation de piété et de foi. Le fait que cette intolérance vise avant tout l'islam et la communauté islamique confirme encore le rôle spécial qui incombe à ce dernier de veiller au respect de la vérité et de l'ordre traditionnel, et de les défendre en toutes circonstances contre la rancœur de ceux dont elle met à nu la mesquinerie et les contradictions. Deus, homo, natura. Dans la grande triade, René Guénon mentionne un ternaire qui appartient originairement aux conceptions traditionnelles occidentales, telles qu'elles existaient au Moyen-Âge, et qui est d'ailleurs connu même dans l'ordre exotérique. Ce ternaire qui s'énonce habituellement par la formule Deus, homo, natura appelle, pour compléter ce qui précède, les considérations suivantes. Le droit sacré qui régit les différentes formes traditionnelles est une affirmation du droit éternel et principiel d'Allah, et une application de celui-ci à l'état d'existence qui définit le monde de l'homme et des esprits humains. La proclamation des droits de l'homme apparaît comme une tentative de substituer l'homme à Dieu de manière à faire de lui l'unique détenteur du droit, le seul régisseur du monde qui est le sien. Selon un verset coranique, Dieu a créé les hommes et les djinns uniquement pour qu'ils l'adorent. Coran 51. 56. L'adoration de Dieu est inhérente à la condition humaine. Si l'homme méconnaît sa raison d'être et manque à son devoir, il entraîne inévitablement sa déchéance. Séparé de Dieu, Démuni de la force qu'il tirait de sa soumission au droit sacré et de la légitimité que celui-ci lui conférait, il est désormais incapable d'ordonner dans la paix et la justice l'état d'existence qu'il est censé régir. Il ne peut accomplir la mission qu'il s'est assignée en vertu d'une prétention illusoire. N'ayant plus foi en Dieu, il cesse d'être crédible et doute de lui-même. Il se définit comme un animal raisonnable, mais, sans une inspiration divine, la raison est impuissante. La morale dont il se réclame n'a plus de garantie métaphysique ou spirituelle. L'homme raisonnable ne peut pas plus se gouverner qu'il ne peut gouverner le monde, en vérité, c'est un homme dangereux. Ne croyant plus en Dieu ni en lui-même, il se tourne vers la nature qui est demeurée plus préservée que lui. En effet, tous les êtres de l'univers, à la seule exception des djinns et des hommes, célèbrent la transcendance de leur Seigneur par sa propre louange. Coran, 17. 44. En vertu du pacte primordial qui les relie à Dieu, ils demeurent dans l'adoration et l'obéissance, en dépit de la déchéance de l'homme. Le seul danger pour eux vient de lui, qui corrompt désormais tout ce qu'il touche. Ignorant complètement la métaphysique traditionnelle, l'homme ne peut plus contempler Dieu tel qu'il est, et il a aussi cessé de le voir en lui-même. La nature est la seule divinité qui lui soit encore accessible. Il se tourne donc vers elle, magnifie la beauté des montagnes et des mers, et cherche, principalement dans le monde animal, la vertu spirituelle qu'il ne trouve plus dans son âme, celle d'être l'adorateur de Dieu. Toutefois, son ignorance l'empêche de reconnaître cette vocation spirituelle de la nature, et de respecter sa qualité divine. Tantôt, il l'exploite sans scrupule, tantôt, il la souille par un tourisme profanateur. Après avoir nié le droit sacré et s'être montré indigne des droits de l'homme, il s'efforce de proclamer aujourd'hui les droits de la nature, dans une tentative désespérée de la protéger contre les effets de sa propre déchéance. C'est là le terme final d'une dégradation cyclique de la notion de droit, qui ne peut conduire qu'à l'anarchie et au chaos. Tel est le monde des hommes au sein duquel les musulmans doivent porter témoignage en vertu de la mission providentielle assignée par Dieu à l'islam. Chapitre 2. Intégration et intégrisme. La grande peur de l'Occident. Les accusations de fanatisme et d'intolérance portées contre les musulmans trahissent, par leur outrance, un sentiment de crainte. Le monde moderne s'acharne contre l'islam parce qu'il en a peur. On a trop tendance à expliquer celle-ci par des raisons subalternes, accompagnées d'amalgames commodes. On évoque le terrorisme et l'arme du pétrole qui vise avant tout le monde arabe. Rappelons au passage que la tradition islamique ne peut être assimilée à ce dernier. Assurément arabe par la langue de la révélation et la constitution humaine du prophète, elle n'est nullement solidaire de ce que l'on appelle communément la civilisation arabo-islamique. Sa vocation universelle implique une certaine indépendance à l'égard des limitations inhérentes à son milieu ethnique originel, comme Ibn Arabi l'indique à l'occasion de manière discrète. Si les craintes de l'Occident n'avaient pas de cause autrement plus profonde, il aurait au fait de se rassurer et non sans raison. Les moyens visibles d'une guerre qui se prétend sainte, mais qui a peu en commun avec le djihad véritable, peuvent toujours être combattus par des moyens du même ordre. L'Occident dispose de la force et d'une organisation suffisante pour circonscrire ce qui s'oppose à lui, à défaut de pouvoir l'éradiquer complètement. S'il a peur, c'est parce qu'il commence à comprendre, même s'il refuse encore à l'admettre, que la voie du modernisme et du progrès proclamé l'a mené à une impasse, c'est-à-dire parce qu'il est fondé, tout entier et dès l'origine, sur une erreur. Le monde moderne a peur de la vérité, parce qu'il se nourrit d'illusions, il a peur d'une réalité dont l'essence est divine, parce qu'il a négligé le dépôt de confiance, amana, que Dieu a confié à l'homme. Il a peur de voir que celui-ci ne maîtrise plus son destin, parce qu'il a trahi les alliances traditionnelles, il a peur d'être sanctionné et châtié. Telles sont les raisons profondes, en grande partie mal perçues, qui expliquent sa peur de l'islam. L'affaiblissement des formes traditionnelles. Le premier, René Guénon a montré que la civilisation moderne était condamnée à périr. En 1927, dans la crise du monde moderne, il écrivait « Il serait assez logique que les idées que les Occidentaux ont répandues se retournent contre eux, car elles ne peuvent être que des facteurs de division et de ruine, C'est par là que la civilisation moderne périra d'une façon ou d'une autre, peu importe que ce soit par l'effet des dissensions entre les Occidentaux, dissensions entre nations ou entre classes sociales, ou, comme certains le prétendent, par les attaques des Orientaux occidentalisés, ou encore à la suite d'un cataclysme provoqué par les progrès de la science. Dans tous les cas, le monde occidental ne court de danger que par sa propre faute et par ce qui sort de lui-même. Depuis, 3/4 siècle ont passé. À cette époque, l'illusion du progrès s'étendait à tous les domaines scientifiques, économiques, et même politiques grâce aux fameux droits de l'homme. La marche vers un avenir radieux justifiait le pire, mais nourrissait l'espoir. À présent, le doute s'est insinué. On a peur car on devine que l'on s'est trompé, pourtant, il faut continuer, car rien ne peut plus arrêter la machine infernale. C'est la fuite en avant dont les justifications, de plus en plus hasardeuses, ont cessé d'être crédibles. Pour remédier au déséquilibre, il faut en créer d'autres, toujours plus grands, jusqu'à la catastrophe finale dont les enseignements traditionnels affirment qu'elle sera soudaine et brutale. Sa venue est certaine, mais nul ne sait quand et comment elle se produira. Certes, l'islam demeure inébranlable au sein de ce chaos. Mais pourquoi seulement l'islam? Que sont devenues les autres religions? D'où viennent cette démission, cette incapacité apparente des formes traditionnelles? Et d'où, par contraste, la tradition islamique tire-t-elle aujourd'hui sa force? Elle la tire de son intégrité, c'est-à-dire de son ésotérisme, sans lequel les formes traditionnelles ne sont que des coquilles vides. Le tasawuf dispose seul des moyens nécessaires pour mener la grande guerre sainte al-Jihad al-Akbar, qui s'impose face au monde moderne. C'est là ce qui explique la crise générale que connaît aujourd'hui l'univers traditionnel dans son ensemble, et qui atteint l'islam lui-même dans certaines de ses manifestations extérieures et réductrices. Le judaïsme demeure vivant, mais il est étouffé, et même contrefait par la profanation sioniste. Sa situation est la pire de toutes car, bien loin de combattre le monde moderne, les représentants actuels de la religion judaïque manipulent celui-ci et en tirent parti pour accomplir leur propre dessein. L'autre religion monothéiste est le christianisme, qui occupe une place à part car c'est la forme traditionnelle qui avait en charge l'Occident quand la déviation moderne s'est produite. On peut donc penser qu'une certaine responsabilité incombe à cet égard au catholicisme puisque c'est le Saint-Siège romain qui a vocation à régir l'Église universelle. Nous pensons avant tout à l'interdiction du prêt à intérêt, commune aux trois religions monothéistes, mais selon des modalités très différentes. Dans le judaïsme, elle s'applique uniquement aux juifs entre eux. Le peuple élu est le seul bénéficiaire de la préservation incluse dans cet interdit. Les juifs peuvent prêter à des non-juifs sans avoir à se préoccuper des conséquences néfastes que la stipulation d'un intérêt peut entraîner pour leurs emprunteurs. L'image de l'usurier juif, à qui le noble chrétien emprunte pour pouvoir payer ses dettes est familière dans la littérature occidentale. En revanche, dans le droit islamique dont la compétence est universelle, puisque le message divin est adressé à l'humanité entière, l'interdiction du prêt à intérêt est totale. Le cas du christianisme est plus complexe, car son statut particulier est caractérisé par l'absence d'un droit révélé propre. L'Église est régie par le Saint-Esprit, non par une loi que Jésus lui aurait apportée. Il résulte de cette particularité que le droit appliqué découle uniquement de l'intuition spirituelle de ceux qui dirigent l'Église, or cette intuition peut varier car elle dépend de leur qualification et de leur réalisation effective. Ceci explique pourquoi, sur une question aussi essentielle que celle que nous évoquons ici, il y a une différence et même une incompatibilité entre la doctrine catholique qui prévalait au Moyen-Âge et celle qui est enseignée aujourd'hui. Ce qui peut paraître incompréhensible pour ceux qui suivent les législations sacrées. Au Moyen Âge, le simple fait d'envisager que le prêt à intérêt puisse être légitime entraîne à l'excommunication, alors qu'aujourd'hui c'est uniquement l'usure qui est interdite, non le prêt à intérêt en lui-même. Cette évolution est significative, car elle implique qu'un enseignement fondé sur une connaissance ésotérique véritable a fait place à un point de vue purement moral. L'intuition intellectuelle s'étant affaiblie au point de devenir inopérante, les raisons profondes et l'interdiction ont cessé d'être perçues. Or, ces raisons présentent un lien direct avec la naissance et le développement de la déviation antitraditionnelle de l'Occident, car le prêt à intérêt a été le moteur financier du monde moderne. René Guénon a montré le caractère néfaste de l'altération des monnaies par Philippe le Bel et les conséquences désastreuses que celle-ci avait eues pour l'Occident. Le prêt à intérêt est une autre modalité de cette altération puisqu'il a pour effet de soumettre la valeur de la monnaie à l'écoulement du temps, qui est celui du prêt, alors que la fonction première de celle-ci est de garantir la stabilité des échanges par référence à un principe immuable que la monnaie représente dans le domaine temporel. Pour avoir fait preuve d'ignorance et de faiblesse, l'Église catholique a été sanctionnée et a perdu progressivement son propre crédit, qui s'est effondré au cours des dernières années. Que peut-on attendre d'une institution sacrée qui méconnaît le droit divin au point d'avoir reconnu l'État sioniste au mépris de toute justice, et qui en est réduite à mendier auprès de l'Union européenne la reconnaissance de son rôle historique et providentiel en Occident? Seule subsiste encore la protection divine au Saint-Siège romain, qui permet au moins de sauver les apparences. Du côté des traditions de l'Orient et de l'Extrême-Orient, c'est le même constat d'impuissance, la même soumission au modernisme sous toutes ses formes. La tradition chinoise, qui est essentiellement destinée aux peuples de race jaune, ne manifeste ailleurs sa présence que dans le domaine des sciences traditionnelles appliquées, comme la médecine et les arts martiaux. Le bouddhisme séduit par son absence de théologie et son accessibilité apparente et trompeuse, mais il ne dispose d'aucun moyen pour instaurer et pour défendre un ordre universel car, tout comme le christianisme, il ne comporte pas un droit sacré qui lui serait propre. Sa légitimité repose, elle aussi, sur un statut d'exception. Seule subsiste aujourd'hui la tradition pérenne du Sanatana Dharma, la loi constitutive du cycle total de l'humanité actuelle, habituellement désigné par le terme hindouisme. En dépit des vicissitudes d'ordre cyclique, sa puissance opérative et son rayonnement spirituel demeurent incomparables. Par l'intermédiaire de René Guénon et du courant intellectuel qui prolonge son œuvre, les doctrines hindoues ont joué un rôle majeur dans l'intérêt suscité chez les occidentaux pour l'ésotérisme et dans l'implantation en Occident du tasawuf en général et de l'œuvre d'Ibn Arabi en particulier. Le complémentarisme de l'hindouisme et de l'islam n'est plus à démontrer, tant il s'est imposé par son évidence. L'apport doctrinal issu du Sanatana Dharma n'a cessé de s'enrichir jusqu'à nos jours et a permis de dégager toute l'ampleur de la révélation muhammadienne, le plus souvent insoupçonnée par les musulmans eux-mêmes. L'hindouisme contient notamment un enseignement eschatologique qui lui est propre, exprimé dans la doctrine des avatars, et qui est loin d'avoir livré tous ses secrets. La faiblesse relative de cette forme traditionnelle tient plutôt à l'anachronisme de ses structures, qui est comme la rançon de son excellence primordiale. Son rayonnement est parfois contrarié par les particularités d'un symbolisme qui requiert une transposition pour acquérir sa dimension universelle. Ce n'est certes pas nous qui nierons l'intérêt que présentent la petite fille de 9 ans et le dieu au cou de cheval, mais on reconnaîtra que ce sont là des enseignements étranges que l'on ne peut présenter comme tels en dehors de leur contexte originel. La duperie de l'intégration. Ce qui précède montre bien qu'aucune autre forme traditionnelle ne peut prétendre exercer la fonction eschatologique que Dieu a assignée à l'islam. Il n'y a, et il ne saurait y avoir aucune contradiction avec le plan divin. Toutefois, il ne s'agit pas de n'importe quel islam, de n'importe quelle manière de comprendre et d'interpréter la révélation faite au sceau des prophètes. Il s'agit, répétons-le, de l'intégrité islamique, qui comprend tous les aspects extérieurs et intérieurs de l'enseignement traditionnel. Face aux prétentions infondées et agressives du monde moderne, une grande pureté est nécessaire, aussi bien dans l'attention que dans les moyens utilisés, ainsi qu'une vue claire de ce qui est en jeu. Avant d'étudier cette notion d'intégrité, il nous faut examiner sommairement deux positions considérées comme incompatibles. Celle qui vise l'intégration de la communauté islamique à l'intérieur de l'idéologie moderniste, et celle de l'intégrisme. La première reflète une vision progressiste où la démocratie et les droits de l'homme sont présentés comme des conquêtes sans précédent qu'il faut protéger contre l'islam traditionnel, assimilé à un système obscurantiste et rétrograde. Le progrès scientifique est là pour justifier et renforcer cette vision dans laquelle une question comme la légitimité du prêt à intérêt n'a même plus à se poser puisqu'il s'agit, pour les partisans de l'intégration, d'une conception religieuse d'un autre âge. L'islam est fermement prié de renoncer aux droits de Dieu et aux droits qu'il tient de Dieu. Son enseignement doit être conforme à l'idéologie des droits de l'homme tandis que sa pratique rituelle est tolérée dans la mesure où elle n'est pas gênante, ni pour la vie ordinaire, ni pour les non-musulmans. Les exigences de la loi islamique à l'égard des autres religions, Par exemple, l'interdiction qui leur est faite de construire des lieux de culte en terre d'islam, sont ignorées et combattues au nom d'un égalitarisme qui impose, par ailleurs, le calendrier chrétien comme une référence mondiale. L'intégration, c'est-à-dire l'adhésion à un tel credo, censé être conforme aux normes de la raison humaine, est de toute évidence incompatible avec la religion. On peut dire sans exagération que celui qui le professe est banni de l'islam, car Ibn Arabi emploie cette expression à propos de celui qui, disposant de moyens matériels pour accomplir le pèlerinage, le néglige néanmoins. Or, nous l'avons vu, c'est par ce rite annuel que la communauté islamique est investie de la charge de témoigner en surveillant les hommes. Accepter l'intégration, c'est renoncer à porter ce témoignage et s'exposer à la même sanction. On peut voir par là le caractère équivoque de cette notion et des politiques fondées sur elle. L'Occident moderne prétendument ouvert à l'autre n'a jamais voulu ou pu intégrer que ce qui lui ressemble. Hormis la satisfaction d'ambition personnelle, on voit mal ce que les musulmans peuvent gagner en acceptant ce jeu de dupes. Les illusions de l'intégrisme. Face au monde moderne, l'intégrisme adopte une position apparemment opposée. Partant de l'idée que la communauté islamique ne peut être régie que par des musulmans, il cherche à conquérir le pouvoir par des moyens politiques. Les partisans de cette idéologie espèrent ainsi promouvoir l'islam, d'une part, en assurant la pratique de la religion dans les pays qu'ils contrôlent, de l'autre, en établissant dans le monde une sorte de tête de pont en vue de défendre les intérêts des musulmans où qu'ils se trouvent et de préparer l'expansion progressive de l'islam. Face aux équivoques et aux dérives des politiques d'intégration, l'idée intégriste a de quoi séduire de bons musulmans par l'indépendance qu'elle leur assure, puisqu'ils sont gouvernés par eux-mêmes, et non plus par d'autres. Un examen plus attentif montre le caractère illusoire de cet avantage apparent. Pour que l'intégrisme corresponde à son but proclamé, il faudrait que ses défenseurs ne soient pas eux-mêmes corrompus, plus ou moins consciemment, par les conceptions anti-traditionnelles du monde moderne. Pour commencer, la conquête du pouvoir implique de nos jours que l'on s'organise en partie et que l'on adopte les méthodes profanes de la vie partisane, qui sont aux antipodes de l'universalité islamique. En cas de victoire, c'est pire encore. Comment préserver l'intégrité de l'islam dans la gestion d'un État moderne, qu'il se proclame lui-même islamique ou non? En tout domaine, c'est l'impasse et les contradictions. Tout d'abord, il n'y a pas d'État sans territoire. Un des dogmes du modernisme politique est le maintien de l'intégrité territoriale génératrice d'innombrables conflits, aussi puérils que dangereux. Ce ne sont plus les droits du ciel qu'il faut préserver, ni même ceux de la terre, mais ceux qui découlent des divisions territoriales absurdes et arbitraires, ce qui est particulièrement flagrant quand celles-ci ont été établies par la colonisation. Un État islamique est, par essence, un État universel, c'est-à-dire un État sans frontières. À l'inverse, un État dont le territoire est défini par des frontières ne peut prétendre être un État islamique. Que dire, en outre, de l'idée de nation qui, par les séparations et les passions qu'elle engendre, demeure un des pires instruments de la subversion contemporaine. Citons ici simplement la parole d'un sage de notre temps qui disait « À l'instant même où le Mahdi sera confirmé dans sa mission devant la Kaaba de la Mecque, les États et les régimes du monde islamique s'écrouleront comme des châteaux de cartes. » Dans le domaine économique, on retrouve la question incontournable du prêt à intérêt. S'agit-il de l'épargne privée, récoltée sans intérêt par les banques? Elle ne serait rien d'autre que de l'argent bon marché qui, par le jeu des compensations financières, pourrait être mis à la disposition des pires ennemis de l'islam, ce serait un comble. S'agit-il, au contraire, de la puissance publique? Quel est l'État moderne qui, hormis dans des circonstances exceptionnelles et aléatoires, peut se passer de l'emprunt? Dans le domaine militaire, la seule loi est celle du plus fort, et la force matérielle n'est sûrement pas du côté islamique, comme les musulmans en font partout la mère expérience. Dans le domaine dit culturel, les hésitations des dirigeants intégristes sont parfois bien amusantes. Tantôt, ils décident d'interdire la musique que l'on appelle classique, et qui est en réalité éminemment moderne, en quoi ils ont raison, car cet art tant vanté fait partie des pseudo-religions occidentales. Les chrétiens d'aujourd'hui se réunissent plus volontiers dans les églises pour écouter des concerts que pour suivre les offices. Tantôt, ils l'autorisent en se plaçant, à leur tour, au point de vue réducteur de la morale, ce qui donne le charmant spectacle de jeunes femmes en tchador jouant du violoncelle. Ces quelques exemples montrent l'impossibilité de gouverner un État moderne de manière traditionnelle. Les intégristes qui acceptent des compromis dans tous ces domaines ne sont pas qualifiés pour représenter l'intégrité islamique. En définitive, les positions apparemment incompatibles de l'intégration et de l'intégrisme sont plus proches qu'il n'y paraissent. La première accepte la domination du monde moderne de manière directe, la seconde de manière indirecte, c'est-à-dire par l'intermédiaire de musulmans dont la mentalité est affectée par le modernisme et qui, contrairement à ce qu'ils prétendent, ne peuvent parler au nom de l'islam. L'instauration d'un ordre traditionnel inspiré par l'intégrité islamique, le rétablissement du califat extérieur, et c'est d'ailleurs pourquoi Al-Mahdi est appelé le dernier des califes. Son investiture ne sera pas le résultat d'une politique humaine, mais bien d'une intervention et d'une élection divine. Sauvegarder l'essentiel. L'affinité profonde de l'intégration et de l'intégrisme, deux noms jumeaux pour deux politiques jumelles, se marquent dans leur acceptation commune de la division du monde en nations et États. D'un côté, les musulmans au pouvoir se préoccupent davantage de l'intégrité des frontières que de celle de l'islam, de l'autre, les partisans de l'intégration considèrent comme un fait acquis le morcellement de la communauté islamique puisqu'ils acceptent les conditions et les statuts définis pour eux par chaque État. Dans l'attente de jours meilleurs, la préoccupation essentielle nous paraît être de perpétuer les rites de l'islam et du tasawuf de la façon la plus complète et la plus traditionnelle possible, et de s'efforcer d'échapper aux contraintes imposées par les puissants. S'agissant de l'islam en général, l'intégrisme peut apparaître comme la meilleure alternative, en dépit des objections que nous avons formulées, mais il n'en va pas nécessairement ainsi pour la pratique du tasawuf. Souvent plus menacés par les musulmans au pouvoir que dans les États laïcs ou neutres en matière de religion. Quant aux musulmans qui vivent dans les pays occidentaux, ils doivent nécessairement accepter des compromis. Le prophète lui-même n'a-t-il pas dit qu'un temps viendrait où nul ne pourrait échapper à la poussière de la riba, c'est-à-dire du prêt à intérêt, de manière au moins indirecte? L'essentiel pour les croyants, et qu'il n'y ait pas d'intégration des cœurs et que ces compromis soient acceptés dans un esprit de patience et de sagesse. Car il n'y a ni puissance, ni force, si ce n'est par Allah, l'élevé, l'immense. Mentionnons enfin une position qui ne correspond à aucune politique reconnue, celle de la marginalité pure et simple, dans l'anonymat et la discrétion la plus grande. Elle demeure possible pour des petites communautés décidées à maintenir l'intégrité islamique en toutes circonstances afin de rendre ces communautés insaisissables au monde profane. C'est à elles que s'applique le verset. Combien de fois un petit groupe ne l'a-t-il pas emporté sur un, autre, plus nombreux, avec la permission d'Allah. Coran 2. 249. La notion d'intégration contient l'idée fausse que l'islam est une religion étrangère. Seul ordre révélé destiné à l'ensemble des hommes. L'islam est chez lui partout. Affirmer le contraire revient à considérer les musulmans d'origine occidentale comme étant des étrangers dans leur propre pays. C'est plutôt l'essence de la religion traditionnelle qui a cessé d'avoir droit de cité en Occident. Ce que les Occidentaux veulent à tout prix intégrer, c'est-à-dire domestiquer, ce n'est pas l'islam, c'est la religion. Chapitre 3. L'intégrité islamique. Nécessité de l'ésotérisme. Le terme intégrité désigne ce qui est intact. Il qualifie ce qui est complet, ce qui n'a pas été amputé d'une de ses parties, et d'autre part ce qui est sain, droit et juste. Avec ce second sens, intègre s'oppose à corrompu et correspond à l'arabe sali. L'expression coranique sali al-mumin, Coran 66. 4. Désigne l'élite initiatique des croyants et figure dans un passage où il revêt un sens initiatique et opératif précis. Le terme sali comporte aussi les idées de paix et de réconciliation. La notion d'intégrité islamique renferme, pour nous, l'ensemble de ses significations. L'intégrisme se rapporte uniquement, et dans le meilleur des cas, à une plénitude extérieure incluant l'exercice du pouvoir politique, ce qui correspond à un symbolisme horizontal et à une limitation au domaine individuel. L'intégrité islamique est d'un tout autre ordre, car elle comprend à la fois l'extérieur et l'intérieur de la révélation islamique, et donc aussi le tasawuf, c'est-à-dire la doctrine ésotérique sous ses deux aspects principaux. L'enseignement métaphysique est celui qui se rapporte à la réalisation initiatique ainsi qu'aux fonctions qui en découlent. Les termes ésotérisme et tasawuf peuvent donner lieu à des malentendus. Le premier est impropre lorsqu'il contribue à établir une opposition entre la science intérieure et la religion extérieure, ce qui entraîne une conception limitative de l'intériorité, semblable à celle de la transcendance qu'Ibn Arabi combat avec vigueur quand elle opposait à l'immanence. Selon la réalité véritable, il n'y a aucune opposition entre les vérités métaphysiques, achaïques, et la loi sacrée, charia, ni même un simple complémentarisme, mais bien une unité profonde. Non seulement la loi de l'islam est l'expression d'une vérité essentielle, mais, à un autre point de vue, elle inclut, dans sa totalité et dans sa perfection formelle, l'ensemble des vérités métaphysiques et initiatiques. En aucun cas, on ne peut dire que l'ésotérisme implique l'abandon de la loi. Ce mystère est lié au hadith que de si où le Très-Haut déclare « Le cœur de mon serviteur croyant me contient ». Erreur et vérité sur le tasawuf. Le terme tasawuf revêt des significations très différentes et donne lieu à bien des idées fausses. Une première consiste à l'identifier avec les confréries, c'est-à-dire avec les turucs organisés autour de la lignée spirituelle, et parfois familiale d'un quéik fondateur. Comme ces confréries ont vu le jour plusieurs siècles après la naissance de l'islam, il est facile et commode de les considérer comme des innovations, bida, et des corruptions de la pureté islamique originelle. Il faut donc préciser que les turucs ne sont qu'une des modalités historiques de l'ésotérisme islamique. Celui-ci est le cœur même de la révélation. Présent dès l'origine, il subsistera, sous une modalité ou sous une autre, jusqu'à la fin du monde. D'autres critiques, aussi mal inspirées, accusent le tasawuf de pratiquer le culte des saints, d'associer ceux-ci à Dieu et de porter atteinte au tawhid, l'affirmation et l'adoration de l'unité divine. Cette manière de présenter les choses, typique de l'intégrisme religieux, est éminemment contestable car elle ignore une autre doctrine fondamentale de l'islam, celle qui se rapporte à la fonction du prophète, sur lui la grâce unitive et la paix d'Allah. Moins celui-ci n'est pas associé à l'adoration que l'on doit à Dieu, puisqu'il est lui-même l'adorateur par excellence, mais il est associé à l'expression suprême du tawhid, car au premier témoignage de foi, la ilaha illallah fait suite la formule du second témoignage. Muhammadin Rasulallah. D'autres par l'envoyé est la source et le modèle de toute spiritualité islamique. En vérité, il y a pour vous dans l'envoyé d'Allah un modèle excellent, pour celui qui met son espoir en Allah et dans le dernier jour et qui pratique intensément le dhikr. Coran, 33, 21. Ce verset est un des fondements du tasawuf. La mention de l'invocation intense montre que le prophète est le maître suprême de la voie. Les saints sont ceux qui, à un degré ou à un autre, ont effectivement réalisé le modèle prophétique. Celui-ci peut être défini comme la forme d'Allah selon laquelle l'homme parfait, Al-Insan al-Kamil, a été manifesté en ce monde. De là, les saints sont l'objet d'une vénération légitime, aussi bien de leur vivant, comme c'est le cas lorsqu'il s'agit de maîtres spirituels véritables, qu'après leur mort, ce qui amène les croyants à visiter leur tombeau. La fonction muhammadienne comporte le privilège de l'intercession universelle, qui sera manifestée dans sa plénitude le jour de la résurrection. Selon l'enseignement traditionnel, la totalité de l'intercession reviendra en ce jour au prophète, mais il ne sera pas le seul qui intercédera, d'autres le feront avec sa permission, notamment les prophètes fondateurs des formes traditionnelles qui ont précédé l'islam. Leur communauté ne connaît la lumière muhammadienne que par leur intermédiaire, et c'est eux qui intercéderont tout d'abord pour elle. De même, les saints musulmans peuvent intercéder dans la mesure où ils ont réalisé initiatiquement le modèle prophétique, car leur fonction propre implique une participation à celle de l'envoyé d'Allah. Condamner cet aspect du tasawuf, c'est s'opposer à la sagesse divine sur une question essentielle. Il ne faut pas oublier que l'intercession universelle du prophète est une manifestation du califat suprême qui fonde les privilèges cycliques de l'islam. Ceux qui s'acharnent contre le culte des saints feraient bien d'y réfléchir, car leur souci de préserver la pureté du tawhid s'accompagne d'une ignorance préjudiciable à l'excellence et à l'intégrité islamique qu'ils sont censés défendre. Le Très-Haut a prescrit aux musulmans de se prosterner en direction d'une maison de pierre qui appartient, comme eux, au monde corporel. Si l'adoration s'adresse à Dieu seul, la prosternation s'effectue vers un lieu élu pour être le support de la présence divine. Sous ce rapport, il y a donc aussi une apparence d'association, liée à la question des préférences divines et des différenciations qualitatives de l'espace-temps. C'est une des significations ésotériques de la parole. Allah a créé Adam selon la forme qui fonde la doctrine du califat ésotérique. La doctrine du centre suprême. Les mises au point qui précèdent montrent que le tasawuf fait une partie essentielle de l'intégrité islamique. Il nous faut entrevoir à présent toute l'étendue que celle-ci comporte et préciser tout d'abord que les notions de réalisation spirituelle et même de cheminement initiatique sont insuffisantes pour en déterminer le contenu. Il faut prendre en compte également les fonctions qui relèvent du tasawuf, c'est-à-dire du gouvernement ésotérique du monde. Les plus connues sont celles du pôle, Qutb, des deux imams, des quatre outades et des sept abdals. À cet aspect se rattache aussi l'assemblée des saints diwan à l'Olaya, spécialement étudiée par Michel Valsan. Une difficulté peut survenir du fait que ces fonctions représentent, au cœur de la tradition islamique, une hiérarchie plus centrale à laquelle se rapportent des expressions comme centre du monde, roi du monde, pôle suprême ou califat suprême. Cette hiérarchie a pour mission de régir, non pas seulement l'islam historique tel qu'il est apparu à un moment donné du cycle humain, mais bien l'ensemble de celui-ci, depuis Adam jusqu'au jour de la résurrection, ce qui correspond à un autre aspect, moins connu de la fonction du prophète. La hiérarchie du centre suprême doit être prise en compte, car elle rend seule possible la réalisation par l'islam de sa vocation universelle, inhérente à la révélation divine faite au sceau des envoyés. Les moyens opératifs de ce centre sont ceux d'un langage primordial qui permet de comprendre et d'interpréter, selon leur signification véritable, l'ensemble des révélations au fils d'Adam. Ce langage est désigné dans l'enseignement ésotérique par l'expression langue solaire ou syriaque suryani. Le point délicat est que la doctrine du centre du monde est la notion d'une langue primordiale autre que l'arabe pourrait faire apparaître l'islam comme une forme traditionnelle semblable aux autres, ce qui entraînerait le déni de ses privilèges cycliques. Or, c'est là une idée fausse et dangereuse, qui alimente à la fois la rhétorique des partisans de l'intégration et celle des intégristes. Les premiers utilisent cette doctrine pour assimiler celle de loi sacrée à celle d'exotérisme dans une perspective marquée par les conceptions humanistes et égalitaristes de la franc-maçonnerie moderne. Qu'ils se réfèrent au roi du monde lorsqu'ils s'adressent à des non-musulmans, ou au Qutb-Azaman lorsqu'ils empruntent le langage du tasawuf. C'est toujours afin d'occulter la lumière universelle du prophète et de porter atteinte à une intégrité islamique qui les gêne. Cette conception tendancieuse et intéressée a pour effet de compromettre la doctrine ésotérique du pôle suprême d'une façon qui fait, par ailleurs, le jeu des intégristes, car ceux-ci peuvent s'en servir à leur tour pour rejeter l'ensemble des enseignements relatifs au tasawuf, et pour réduire l'ésotérisme islamique à la notion vague de vie spirituelle de manière à la rendre compatible avec leur visée politique. Par là, leur attitude rejoint, en fait, celle des partisans de l'intégration, ce qui confirme une nouvelle fois l'affinité profonde de ces deux positions apparemment contraires. Les intégristes s'imaginent naïvement qu'il suffit de proclamer que Muhammad est le meilleur des prophètes, que le Coran est le livre révélé le plus excellent, que la religion islamique est préférable à tout autre pour entraîner la conviction et l'adhésion des non-musulmans. Pour être crédibles, ces affirmations doivent s'accompagner de preuves et celles-ci ne peuvent être données que par la doctrine du centre suprême et de la tradition primordiale, seule à même de montrer que la révélation contient l'ensemble des vérités présentes dans les traditions antérieures. Selon sa signification véritable, cette doctrine n'a rien qui puisse, ni favoriser l'intégration, ni entraîner l'opprobre des intégristes car les fonctions qui constituent la hiérarchie de ce centre sont des aspects de la fonction essentielle du prophète, des reflets et des réverbérations de sa lumière. C'est lui qui, depuis l'origine des temps, manifeste la présence du Verbe divin au cœur de notre monde. L'Adam primordial est le pôle universel dont la fonction est rapportée typologiquement à Sayyidna Idri, ne sont rien d'autre que ses représentants. Par ailleurs, comme nous l'avons vu, l'islam historique a pour mission de clore le cycle humain et la tradition adamique. Il constitue la communauté médiane et médiatrice pour être le support et l'instrument du centre suprême à la fin des temps. À ce propos, il convient de mettre en lumière un point qui n'a pas retenu jusqu'ici l'attention qu'il mérite, à savoir que les saints qui font partie du plérôme suprême, Diwana l'Olaïa, cessent d'utiliser la langue sacrée primordiale quand l'envoyé d'Allah est présent parmi eux, ce qui correspond à une situation d'excellence. Lorsqu'ils parlent en sa présence, ils emploient la langue arabe, afin de respecter les convenances qui lui sont dues. En effet, l'excellence du prophète manifeste l'excellence de la révélation faite par le Seigneur des mondes et cette révélation est exprimée en langue arabe. On peut conclure, non seulement que la doctrine du Centre suprême ne porte nullement atteinte aux prérogatives de l'islam, mais qu'elle est seule capable d'assurer son rayonnement en conférant aux musulmans les clés d'une science ésotérique et d'une connaissance universelle. Ibn Arabi. La notion de clôture du cycle évoque les trois sceaux qui constituent l'aspect eschatologique de cette doctrine. Muhammad est le sceau des prophètes légiférants, Khataman Nabiyyin. Aucune loi ne sera révélée après la sienne. Le centre suprême va exercer son influence providentielle à l'intérieur de la tradition islamique notamment par la manifestation des deux autres sceaux chargés d'opérer les adaptations nécessaires durant l'ultime phase du cycle. Tout d'abord, le sceau de la sainteté muhammadienne, Muhyiddin ibn Arabi, connu, sinon toujours reconnu, comme étant le plus grand des maîtres Sheikh al-Akbar, du tasawwuf, héritier de la science muhammadienne. Total, il apparaît à un moment où la forme islamique est profondément modifiée dans ses structures. D'une part par l'abolition effective du califat, de sorte que la communauté islamique cesse d'être représentée extérieurement, d'autre part, par la constitution des grandes confréries initiatiques qui prennent en charge la fonction de guidance spirituelle. Ensuite viendra le sceau de la sainteté générale, autrement dit le Christ de la seconde venue. C'est lui qui inspirera le Mahdi et qui parachèvera sa fonction. Le califat extérieur sera rétabli, la loi islamique retrouvera sa pureté première, occultée par les limitations et les incompréhensions de l'exotérisme. C'est sur elle que le sceau des saints prendra appui afin d'opérer l'ultime manifestation en ce monde de la tradition universelle. Ibn Arabi est le représentant par excellence de l'intégrité islamique. La doctrine akbarienne est l'interprète de la révélation muhammadienne, dans sa totalité. Elle répand, à tous les degrés, les lumières de l'islam et est détentrice de ses secrets. Elle seule peut inspirer la communauté islamique et la guider, directement ou indirectement, dans la période troublée qu'elle traverse et parmi les périls auxquels elle est confrontée. Bien qu'elle s'adresse avant tout à une élite intellectuelle, au sens traditionnel et non spéculatif du terme, sa bénédiction s'étend à tous les aspects de la pratique rituelle et de la spiritualité qu'elle éclaire de manière incomparable à la lumière du prophète. L'œuvre d'Ibn Arabi est un trésor qui demeure en partie caché, car son contenu est loin d'avoir été publiquement révélé. Cependant, en dépit du travail considérable entrepris au cours des dernières années pour la faire mieux connaître, elle continue de susciter la suspicion et l'hostilité, en particulier dans les pays marqués par l'idéologie intégriste. Elle est toujours considérée comme dangereuse, c'est-à-dire contraire à une interprétation unilatérale, mais censée être orthodoxe, du Coran et la Sunna du prophète, et aussi comme une source de division au sein de la communauté islamique. Or, ces divisions sont uniquement le fait de ceux qui, par ignorance ou par intérêt, refusent d'accepter la révélation dans son intégralité, qui réduisent la religion auprès d'Allah. Coran 3, 19, à sa seule modalité historique et qui compromettent ainsi la vocation universelle de l'islam. C'est de cela, et non des akbariens, qu'il est dit dans le Coran. Ceux qui ne croient pas en Allah et ses envoyés, qui veulent établir une division entre Allah et ses envoyés, qui disent « Nous croyons dans une part, de la tradition universelle, et non dans d'autres points. Ceux-là sont les incroyants véritables. » Coran 4. 150-151. L'intégrité islamique constitue l'excellence de l'islam, tant dans sa loi commune que dans son ésotérisme. Seul l'enseignement d'Ibn Arabi en détient la doctrine complète, et c'est pourquoi on ne peut pas s'y opposer impunément. L'islam est aujourd'hui humilié. Les épreuves qui frappent la communauté islamique sont sans doute les pires qu'elle ait jamais connues, mais il n'y a pas de hasard et Allah n'est pas injuste envers ses serviteurs. Coran 50.29. Les serviteurs véritables de Dieu seront toujours secourus, Ceux qui croient en Allah et en ses envoyés et qui n'établissent pas de différence entre ces derniers. Coran 4. 152. Les musulmans sont éprouvés uniquement à la mesure de leurs incompréhensions et de leurs trahisons. Ils le seront tant qu'ils ne reconnaîtront pas leurs erreurs, tant qu'ils n'accepteront pas, directement ou par l'intermédiaire d'une élite initiatique, la guidance du plus grand des maîtres qui a dit « Moi et le Coran, nous sommes des frères, de sorte qu'on a pu lui appliquer les versets. Que leur arrive-t-il ? Ils ne croient plus et lorsqu'on récite le Coran en leur présence, ils ne se prosternent pas, annoncent-leur un châtiment douloureux. » Coran 84. 20-22. L'islam retrouvera sa force et son éclat lorsqu'il sera ramené, grâce à ce repentir, à sa pureté originelle. Renéguer non. La déclaration d'Ibn Arabi établissant une fraternité entre lui et le Coran entendue dans son sens initiatique est complétée par cet autre. Le Mahdi et l'épée sont des frères, qui se rapportent à la fonction du troisième sceau, le Christ de la seconde venue. Alors que le Coran symbolise le degré de l'homme universel, l'épée apparaît plutôt comme un attribut caractéristique du pôle des esprits humains, ce qui évoque la fonction cyclique de l'homme primordial qui est le législateur suprême de notre monde. L'épée du Mahdi est celle de la vérité. Il l'utilisera pour restaurer la tradition universelle en s'appuyant sur la loi totalisatrice de l'islam. C'est aussi l'épée de la grande guerre sainte et du combat eschatologique. Les troubles actuels préparent une manifestation finale de la paix et de la justice divine. Pour ce combat, la première tâche était de dénoncer les illusions et les duperies du monde moderne, d'affirmer les prérogatives de la tradition et du droit divin, de mettre en évidence les trahisons de l'Occident et son ignorance de la science sacrée. Ce travail ne pouvait être accompli que par un Occidental œuvrant à la lumière de l'Orient traditionnel, occidental par sa naissance, oriental par son esprit, akbarien par son lignage spirituel, rattaché à la baraka du prophète, détenteur des secrets de la langue syriaque, tel fut Renéguer non, le vivificateur de la tradition universelle, le précurseur du redressement qui sera opéré par le Mahdi sous l'égide du troisième sceau. Sa vie et son œuvre furent une guerre sainte de tous les instants, dissimulée en partie par l'apparence sereine et hiératique de ses ouvrages. La dénonciation des erreurs modernes est constante dans ses premiers écrits, en particulier dans Orient et Occident et dans la crise du monde moderne. Les conséquences funestes de ces erreurs, pour l'homme et pour le monde dévoyé dans lequel il vit, sont étudiées dans le règne de la quantité et les signes des temps en des termes précis et prémonitoires. Seul un occidental pouvait démonter, en quelque sorte de l'intérieur, les rouages de cette machine infernale. L'antidote devait venir de là où étaient nés les poisons du monde moderne. Il faut y insister, car les orientaux en général, les musulmans d'origine orientale en particulier, sont peu avertis des dangers du modernisme, avec ses multiples facettes, et succombent, souvent par mégarde, à l'attrait qu'il exerce. Cet aspect de l'œuvre guénonienne s'impose à eux de manière plus nécessaire qu'ils ne l'imaginent. Le négliger, c'est s'exposer inévitablement au risque de l'intégration et au méfait de l'intégrisme. Une raison plus profonde encore explique le lien entre la fonction de Renéguer non et l'intégrité islamique. Grâce à la connaissance intuitive qu'il avait de la langue syriaque, son œuvre prolonge celle d'Ibn Arabi en illustrant, par des études sur l'ésotérisme des révélations antérieures, l'universalité de la science islamique. Par là, elle a contribué à mettre en lumière la signification de cette religion auprès d'Allah qui est la qualification coranique de l'islam. Toutefois, comme elle ne se présentait pas explicitement au nom de la tradition islamique, beaucoup en Occident se sont trompés, même parmi ceux qui étaient devenus musulmans grâce à elle. Ils n'ont pas vu en quoi la fonction de Renéguer non était, aussi bien par son inspiration que par sa finalité, éminemment islamique. Ils se sont égarés eux-mêmes et ont mené ceux qui les suivaient dans des impasses. L'attitude de Fridtjof Schuon est caractéristique de cette tendance. Le premier, Michel Valsan, a dénoncé cette erreur. Il a montré, tant dans son enseignement oral que dans ses écrits, d'une densité et d'une élévation exceptionnelles, comment cette fonction se reliait à celle d'Ibn Arabi. Il a opéré la synthèse entre deux enseignements qui pouvaient, par incompréhension de leur sens réel et de leur complémentarisme, apparaître comme divergent, mais il n'a pu le faire, lui aussi, qu'en menant une guerre sainte constante au sein d'un milieu occidental hostile. En effet, La doctrine de l'intégrité islamique n'est acceptée, ni par ceux qui utilisent René Guénon contre l'islam, ni par ceux qui excluent de l'enseignement d'Ibn Arabi la notion de droit sacré. Les uns et les autres favorisent une récupération de l'ésotérisme par l'Occident moderne, et ceci nous ramène à la question initiale de notre étude, celle du rôle de l'islam dans le monde contemporain. Proclame. L'envahissement du modernisme, les moyens puissants dont il dispose, rendent vaine toute tentative de restaurer extérieurement la grandeur de l'islam. En particulier, le rétablissement du califat n'est pas possible avant l'heure fixée par Dieu. Parmi les noms d'Allah, Allah présente la particularité de désigner Dieu lui-même, or, ce nom signifie à la fois la vérité et le droit. La force de l'islam n'est pas dans sa puissance extérieure, qui appartient au domaine des réalités contingentes. Elle est dans sa vérité et dans son droit qui sont universels et indépendants de toute manifestation visible de la puissance divine. Allah est l'indépendant à l'égard des mondes Gan'iyan al-Alamn. Il importe d'affirmer aujourd'hui l'essence unique et incomparable de la lumière prophétique dont procède l'islam dans sa pureté et son intégrité. Encore faut-il comprendre en quoi celle-ci consiste, et c'est pourquoi nous nous sommes efforcés de la définir dans la présente étude. Les trois maîtres que nous avons cités sont ceux dont les écrits renferment les repères doctrinaux utiles à cette compréhension. Ibn Arabi, René Guénon, Michel Valsan sont les auteurs dont nous reconnaissons la pleine autorité doctrinale pour la proclamation, à la face du monde moderne, de l'identité islamique véritable en conformité avec l'ordre divin donné au prophète à l'origine de la révélation. Iqra, c'est-à-dire, proclame. C'est là ce qui est requis de la communauté islamique dans la phase actuelle, qui correspond à une situation de guerre sainte. L'épée utilisée pour mener celle-ci n'est pas une arme au sens ordinaire du terme, elle ne sert qu'à combattre l'erreur, l'illusion et la mauvaise foi. C'est l'épée d'Assosidque, terme auquel Michel Valsan donnait des équivalents multiples. Sincérité, fidélité, conviction, force de décision, tout en précisant qu'il fallait avoir toujours à l'esprit toutes les significations indiquées ici. La présence d'Assosidque dans le cœur des croyants s'accompagne d'une descente de la Sakna, selon l'indication du verset. C'est lui qui a fait descendre la Sakna dans le cœur des croyants afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi, et c'est à Allah qu'appartiennent les armées des cieux et de la terre. Coran 48. 4. Assosidque est précisément cette foi ajoutée, tandis que la mention des armées des cieux et de la terre confirme qu'il s'agit bien ici d'une guerre sainte. La petite guerre sainte est menée avec les armées visibles de la terre, la grande guerre sainte est menée avec les armées invisibles des cieux. Celle-ci est aujourd'hui la seule possible, mais c'est aussi la plus efficace à condition qu'elle soit menée avec science et sagesse. D'ailleurs, le verset se termine par les mots. Point. Et Allah est le savant, le sage. À propos de nos trois maîtres, nous avons parlé de repères doctrinaux car nul ne peut se permettre de les juger, ou de juger tel ou tel d'entre eux de manière superficielle ou désinvolte. Leur autorité est indiscutable et leur degré de réalisation effective assure à leur fonction le privilège de l'infaillibilité. Ils sont des conseillers, des annonciateurs de bonnes nouvelles qui savent que tout désordre fait partie d'un ordre divin total, que la domination des forces antitraditionnelles est éphémère et que c'est toujours la vérité qui a le dernier mot. Ils sont des témoins qui appellent à l'ordre, en ce sens qu'ils rappellent l'existence de l'ordre divin et de ses prérogatives. Celui-ci se réalisera de toute façon selon les dispositions éternelles du décret d'Allah, au moment choisi par sa puissance existentiatrice. La Sakna est immuable dans la gloire de Dieu et demeurera sur la terre jusqu'à la fin du cycle. L'intégrité islamique est hors d'atteinte au centre secret du monde, en attendant le jour où elle sera manifestée au dehors pour la dernière fois. Celui qui prend pour protecteurs Allah, son envoyé et ceux qui croient. En vérité, ceux qui se réclament d'Allah seront, eux, les vainqueurs. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour protecteurs ceux qui prennent votre religion pour une chose légère et un jeu, parmi ceux qui ont reçu le livre avant vous et ceux qui couvrent la vérité d'un voile. Gardez la crainte d'Allah si vous êtes croyant. Coran 5. 56-57. Allah a fixé par écrit. En vérité, moi et mes envoyés, nous serons vainqueurs. En vérité, Allah est fort, hors d'atteinte. Tu ne trouveras jamais de gens se lier d'amitié avec ceux qui s'opposent à Allah et à son envoyé, s'ils croient en Allah et au jour dernier. Coran 58:21-22. C'est avec Allah que nous avons fait descendre le Coran, et c'est avec Allah qu'il est descendu. Coran 17:105. Allahumma, répands ta grâce unitive, ta paix et ta bénédiction sur notre Seigneur Muhammad qui a ouvert ce qui était fermé, qui a scellé ce qui a précédé, qui a secouru Allah au moyen d'un lac, qui a guidé vers ta voie droite, ainsi que famille, selon la vérité et le droit, Aka, inhérent à son pouvoir, éternel, et à sa mesure immense, dans l'ordre manifesté. Gloire à la transcendance de ton Seigneur, le Seigneur de l'élévation hors de l'atteinte de ce qu'ils attribuent. Que la paix soit avec les envoyés, et louange à Allah, le Seigneur des mondes. Postface. L'intégrité islamique, c'est la charia. Peu de notions sont aujourd'hui plus mal comprises que celles-ci. Épouvantail pour les partisans de l'intégration, elle trahit dans l'idéologie des intégristes une volonté de puissance. Les premiers voudraient séparer l'islam de sa loi sacrée, ce qui est impossible, les seconds cherchent à la mettre en application à l'intérieur des États modernes, ce qui ne l'est pas moins. De nos jours, l'intégrité islamique est nécessairement marginale. Du reste, l'islam n'est plus représenté extérieurement par une autorité quelconque, ce qui le rend insaisissable, nulle puissance publique n'a le droit de parler en son nom. Selon un hadith prophétique, l'islam a commencé étranger et, à la fin des temps, il sera rendu étranger comme il a commencé. La tradition islamique est effectivement perçue en Occident comme une religion étrangère, mais il ne faut pas s'y tromper. C'est la religion immuable elle-même que celui-ci a condamnée à l'exil. Le pays où René Guénon a vu le jour est devenu le champion du discours antitraditionnel. De même, l'œuvre d'Ibn Arabi est ignorée, méconnue et parfois combattue en terre d'islam, un peu moins chez les chiites, ce qui est le comble du paradoxe s'agissant de celui que l'on surnommait Abu Bakr. Enfin, tout a été fait pour neutraliser l'enseignement de Michel Valsan de son vivant, et tout continue à être fait pour l'étouffer après sa mort. L'intégrité islamique ne peut être préservée sans une renonciation à tout pouvoir issu de ce monde. La victoire de la révélation finale ne sera réalisée, ni par les armes, ni même par les moyens opératifs dont dispose la science sacrée, si ce n'est ce qui relève du sacerdoce universel, autrement dit de la pure connaissance. La foi des croyants est invincible car la puissance de la Sakna réside dans leur cœur. En vérité, la terre, mes serviteurs intègres en auront l'héritage. Coran 21:105. La charia est tout entière à Kéakika, l'être et esprit. Ce n'est pas un catalogue de prescriptions laissé à l'autorité des juristes. Seuls les saints réalisés peuvent légitimement enseigner ce qu'elle est. C'est d'ailleurs pourquoi on les écarte. Son universalité est évoquée dans l'hadith. La synthèse des paroles m'a été donnée et j'ai été suscité pour parfaire les nobles caractères. Ceux-ci, qui étaient présents dès l'origine dans la loi primordiale, sont intégrés désormais dans la perfection de la loi muhammadienne. L'esprit de cette loi est indiqué notamment dans les versets. Il n'y a pas de contrainte dans la religion laïcra afid et din. Coran 2:256. Et Allah n'a établi à votre charge aucune étroitesse dans la religion majala alaykum fidedin min arajin. Coran 22:78. Ainsi que dans certains hadiths comme la religion d'Allah est facilité d'inalolaï usre, et j'ai été suscité avec la religion pure et libérale bitubilanifiya asama. Cette loi pure et universelle est le régime traditionnellement établi par Dieu pour les hommes des derniers temps. Elle exprime et définit la forme totale qui inclut et transcende, selon les dispositions de la sagesse divine, l'ensemble des révélations antérieures et des formes particulières. Elle contient aussi, pour une élite bénie détentrice du secret de son cœur prosterné, la possibilité de réaliser les états supérieurs de l'être et d'atteindre la délivrance. Ibn Arabi définit la charia comme l'attachement rigoureux à la servitude par l'attribution de l'acte à soi. L'intégrité islamique n'est réalisable que par les serviteurs d'Allah car l'homme affranchi est devenu l'homme rebelle. Dénué de tout esprit de conquête, elle vise uniquement à préserver le droit sacré et les prérogatives de la tradition universelle contre ceux qui les méconnaissent. Les mutaqin protègent le Très-Haut en toutes circonstances et se protègent eux-mêmes par lui. La prosternation confère à la fois la proximité d'Allah et la sauvegarde de ses adorateurs. Le monde profanateur est impuissant contre ceux qui ne sont rien, qui n'ont ni force ni puissance ceux qui leur appartiennent en propre. Allah leur suffit comme témoin par l'excellence islamique, comme préposé aux affaires de ses serviteurs, comme protecteur et comme secours, c'est lui qui mène le combat en faveur des croyants car il connaît mieux qu'eux leurs ennemis et la façon de les réduire. À la fin du cycle, l'homme est devenu le plus bas de ceux qui sont bas à Asfala Safiln, Coran, 95, 5. Allah l'accompagne dans cette position inférieure qui figure le retour à sa dépendance originelle. Cette ruse divine suprême est la pierre d'achoppement à laquelle se heurte, sans pouvoir l'écarter, toute l'action anti-traditionnelle. Le Très-Haut ordonne à ses serviteurs soumis. Appelez sur vous-même une salutation de paix venant d'auprès d'Allah. Béni et salutaire face à l'imu Allah en fusil comme Tayyatan min indiya imu barakatan tayyibataen, Coran, 24, 61. C'est pourquoi le rang qui se relève de sa prosternation à la fin de sa prière rituelle et prononce ces paroles. Que la paix soit sur toi, ô prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et sa bénédiction. Que la paix soit sur vous et sur ses serviteurs intègres. Assalamu alaikum ayyou wa nabiyou wa rahmatullahi wa barakatuh wa assalamu alayhi wa ala ibadiyya salina.